amour sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les emmène, mon amour. Le soir tombé, on doit flotter des pétales de mon amour. Et les murs se gercent, mon amour, au soleil, au vent, à la verse et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant, soudain ils ont écrit sur les murs, du bout de leurs fusils, une bien étrange chose. Essuie les traces, mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé à chaque été. D'un beau rouge sont les roses, mon amour. Sèche les fontaines, mon amour, au soleil et au vent de la plaine et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le palan et les yeux éclairés, un étrange sourire. Voir des taches de sang.